chaque à sa peine. Y'aura personne si je suis tapis. Faut que j'arrive à contenir ma haine. Je mette mon front sur le tapis. C'est dur de se rétablir une fois que le mal est acquis. J'ai fait des lovés mais ne crois pas que je suis en détente. J'ai des pensées bizarres, des fois je me dis frère Nachedan. Arrête tes conneries que tu parles de Rafal en bécane. Tu vas rester tranquille, un petit séjour à l'hôpital. Tu sais que Jacques t'es plus dans les temps. Je rigole avec toi mais si à Haja je prends mon camp. Je t'ai trop donné, là tu deviens embêtant. Tu fais le costaud, mais seulement devant les gens. J'ai fait de la monnaie, frérot reste honnête. Des péchés, si loin des promesses. Tu me connais, moi je reste honnête. J'ai zoné, à plus me reconnaître. Y'a trop de choses qui nous séparent, trop de choses qui nous séparent. Des gros sous en balai, si on te demande dis que tu sais pas. J'fais du sale toute l'année. Les potos proliqués, y'a rien de scénarisé. Y'a trop d'idées, j'ai tout mémorisé. Trop de choses qui nous séparent. Des gros sous en balai, si on te demande dis que tu sais pas. J'fais du sale toute l'année. Les potos proliqués.